Bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui dans cet Associativement Vôtre qui a un sujet particulier dans les associations, la communication non violente, où en est-on? Donc c'est un sujet qui va être à battre et à débattre pour pouvoir voir exactement où nous en sommes. Je démarre directement avec une présentation et une petite histoire, l'histoire de l'escargot. L'histoire de l'escargot, c'est deux moines bouddhistes très zen qui, pendant des années, le jardinier met les escargots dans les allées pour que les escargots ne mangent pas ses salades, et le balayeur d'allées met les escargots dans le jardin pour que les gens ne glissent pas et ne tombent pas. Ils sont zen, mais au bout de 20 ans, ils s'attrapent. Leur référent jardinier arrive et il dit « expliquez-moi ». Le jardinier explique « je mets les escargots dans l'allée pour qu'ils ne mangent pas les salades ». Son référent, moine, il lui dit « mais tu as raison ». Le balayeur d'allée lui dit « mais attends, moi j'enlève les escargots parce que sinon on glisse dessus ». Mais tu as raison. Ah, mais c'est pas possible, on ne peut pas avoir tous les deux raison. On va voir le maître. Ils vont voir le maître, explique le jardinier, il lui dit tu as raison. Le balayeur d'allée, il lui dit tu as raison. Mais notre référent nous a dit qu'on avait raison. Et il a raison. Il dit mais maître, on ne comprend plus rien. On ne peut pas avoir tous raison. Et le maître répond on a tous ses raisons. Donc c'est une introduction par rapport à la communication non violente parce que chacun a ses raisons et c'est probablement la plus grande difficulté que de se rendre compte que l'autre est en train de défendre point et ongle sa vision des choses et que nous aussi et que c'est là qu'il faut trouver un terrain d'entente. Donc on est ici pour s'exprimer. Le débat est dans le but que l'on s'exprime. Et aussi pour se rendre compte qu'on doit prendre ses responsabilités dans la relation ou dans les relations. Donc la première partie du débat, ça va être de témoigner de ce qu'on a vécu au sein d'associations, d'institutions, de groupes qui ont été des sources de conflits ou pas ou autres. Voilà. Et donc pour démarrer ça, on va démarrer avec Hervé qui va nous parler de Thomas d'Ansembourg. Thomas d'Ansembourg, en fait, c'est un avocat au départ, hein, qui a travaillé en tant qu'avocat et lui voulait créer du lien entre les personnes ou réparer ce lien qui s'était plus ou moins rompu. Mais il s'est rendu compte en fait son métier ne le préparait pas à ça en fait. Quand tu vas voir un avocat, c'est déjà que généralement c'est trop tard par rapport à ta relation à l'autre. Ça veut dire que tu arrives en dernier recours à l'avocat. Et lui en fait, suite à ça, il a commencé à faire aussi une thérapie par rapport à sa vie personnelle mouvementée et du coup, il a en fait entamé une psychothérapie. Il a œuvré en tant que bénévole en fait dans les associations pour devenir lui-même psychothérapeute. Il a écrit un livre en fait, c'est d'être gentil, soyez vrai. D'accord. C'est un livre qui est basé sur la communication non violente et c'est dans son rapport avec les jeunes qu'il a pu tester cette nouvelle manière de communiquer. On va rebondir. Qui est-ce qui a envie de rebondir? On avait parlé, Jean-Claude, tu avais envie de rebondir. Oui. Rebondissons. Jean-Claude. Parce que tu me rends bondissant, je bondis. La non-violence, moi, en fait, durant mon passé professionnel, à un moment donné, je travaillais dans l'insertion, etc. Et j'ai eu envie de me pencher là-dessus. Et j'ai pas grande expérience. Je me suis abonné à une revue qui s'appelle Non-violence Actualité. Et disons que je piochais là-dedans des éléments pour m'en servir dans le cadre de mon travail, aussi bien dans les relations qu'on avait avec les personnes en insertion que les relations qu'on avait entre professionnels. Voilà, c'est tout. Il y a des tas de choses à dire là-dessus. Ce qui était dit tout à l'heure, c'est vrai que moi, une des premières choses qui me semble importante là-dedans, c'est de s'interroger sur ses propres violences. Voilà. C'est-à-dire, c'est ça, quand on parlait de psychothérapie, c'est un travail sur soi pour s'occuper déjà de savoir nos propres violences, comme tu viens de dire, Jean-Claude. Voilà. Je bondis aussi, dans une association, on a eu, pas plus tard que jeudi dernier, un conflit assez virulent entre deux personnes qui avaient chacune ses bonnes raisons, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, mais aucune ne voyait les bonnes raisons de l'autre, c'est tout. C'était un vice-versa qui manquait. Et donc, précisément, on en parlait avec Aurélie en voiture, comment on pourrait comment on pourrait remédier à ça dans une association, parce que ce que je pense, c'est que dans les associations, bien sûr, dans le métier, partout, les conflits naissent, mais encore peut-être d'une autre façon dans les bénévolats. Parce que comme on n'est pas payé, on se paye, on se rattrape sur le plus de dévouement de l'un à l'autre. Enfin bref, c'est un sujet que j'aimerais aborder ultérieurement. Qui aimerait intervenir ? Claire. Oui, donc là, si j'ai bien compris le propos, on se focus plus sur la non-violence dans les associations. Au centre, pas dans nos rapports de vie personnelle, professionnelle, c'est plus au sein des associations. Oui, oui. Ou des institutions, voilà. Ou des groupes. Voilà, parce que moi, c'est ce que je constate pour faire partie de plein d'associations, effectivement, de mon point de vue personnel, je m'engage peu, bon, je tiens mes engagements, mais je m'engage peu, parce que je veux aussi me donner de la place pour mes besoins à moi avant de aider à satisfaire les besoins du commun et de la collectivité. Parce que sinon, je personnellement, je m'en sortirai pas. Qui aimerait répondre ? Pascal ? Moi, je me suis intéressé à la communication non violente par rapport à des difficultés que j'avais au niveau personnel et effectivement en milieu associatif aussi. Donc il y a 10 ans, quand on a monté Épinal en transition, c'était pas simple les autres. Donc j'ai remarqué, j'ai écouté Marshall Rosenberg, l'initiateur, le créateur de la communication non violente, et je me trouvais à vraiment très éloigné de ce qu'il disait qui était possible, j'ai envie de dire. Par exemple, il disait que on devait aller sur la montagne de l'autre, hein, se rapprocher de ce que l'autre peut ressentir pour quelque part améliorer la communication. Et puis par rapport à notamment au niveau des hommes politiques, moi je me suis rendu compte que ça m'exaspérait de voir le comportement des hommes politiques et ça me mettait en inconfort de ressentir que j'en voulais aux hommes politiques. Donc du coup, comment je fais pour cheminer vers une non-colère, voilà, la suppression de ma propre colère vis-à-vis de ces hommes narcissiques qui me dérangent? Pourquoi ils me dérangent? Voilà. Ouais, C'est intéressant. Hervé. Oui, alors en fait, on parlait du milieu associatif, en fait, par rapport à la CND, l'intégration de la CNV peut-être dans le milieu associatif. Mais en fait, la CNV, c'est pas le milieu associatif, en fait, c'est intérieurement et personnellement, en fait, ça concerne tout le monde. C'est vraiment une démarche, justement, par rapport à ses propres émotions, la gestion de ses propres émotions, en fait. Et ça, on est tous concernés, autant dans la famille que dans le milieu professionnel. C'est pas lié, en fait, que à l'associatif, en fait. Non, mais ça transparaît dans l'associatif. C'est le focus qu'on veut en donner aujourd'hui. Mmh. C'est juste que on peut pas traiter de tous les aspects. Donc forcément, on en a choisi un, je pense. Pour revenir sur le sujet, bon, Inola, je vais te laisser intervenir. Oui, je voulais juste ce que j'entendais par rapport à ce que vous disiez par rapport aux émotions, autant Hervé que Pascal. Il y a cette notion de comment on danse avec ses émotions, comment on danse avec sa colère, comment on arrive aussi à vivre avec, parce que c'est quelque chose qui nous submerge et qu'on ne peut pas empêcher d'exister. Parce que c'est un jaillissement, mais comment on fait pour permettre en même temps cette motion, enfin cette vie intérieure là de faire son chemin, mais tout en étant en lien avec l'autre, sans se perdre dans son monde intérieur et dans son délire intérieur, parce qu'on peut aussi partir très loin, tisser tout un tas de scénarios. Mmh. Moi, c'est ça que j'aimerais réussir à tirer, en tout cas, de cet outil-là potentiel, et que ce soit dans un lieu associatif, que ce soit dans un couple, que ce soit peu importe, mais de vivre avec ça et de réussir à permettre à l'autre aussi d'exprimer sa vie intérieure et trouver la passerelle entre les deux, sachant que on ne vit pas du tout les mêmes couleurs d'émotions au même moment. Mais c'est de réussir à vivre ça sans gommer. Moi, je pense que la colère est très saine et elle peut être très importante. Et je pense qu'elle est même nécessaire. Mais si, évidemment, on a un rapport avec elle qui peut nous encloisonner et nous faire qu'elle nous bouffe de l'intérieur, là, par contre, oui, il y a quelque chose à comprendre. Et là, moi, j'ai un petit problème avec la notion de travail sur soi. Je ne sais pas comment transformer ça. C'est peut-être de réussir à créer une chorégraphie avec soi, avec le monde et avec l'autre. Alors, en fait, tu as lancé voilà, la bonne question et les bonnes informations par rapport à ça. Et ta demande, en fait, c'est l'outil, en fait, c'est l'outil de connaissance de soi, en fait, ouais. La CNV. Et tu peux pas en fait être proche de l'autre si t'es pas déjà proche de toi. Ouais. Et dans ce processus intérieur, parce que finalement l'OSBD, qui est en fait la base, l'acronyme de base en fait pour la CNV, d'accord, qui est en fait l'observation. Mais l'observation en fait, déjà il y a une partie comme si c'était une caméra qui venait filmer la scène, mais elle est jamais en fait complètement objective puisque t'as tes filtres à toi. Donc dans l'observation par rapport à ça, c'est déjà voir en fait ce qui se passe et toi ce que tu te racontes par rapport à ça. C'est ça. D'accord. Toutes ces émotions par exemple quand on dit je suis gêné, je suis triste et j'ai la honte par exemple, la honte qui est en fait une émotion qu'on se fabrique hein, parce qu'en fait de base on n'a pas la honte en fait, ça c'est lié à nos conditionnements familial, sociétal et, ouais. Et donc tu as déjà cette première partie. Et après, en fait, quand on disait gestion des émotions, c'est aller voir, en fait. Mais aller voir à l'intérieur et prendre ce temps-là. Et déjà, tu réponds jamais dans l'émotion, en fait. C'est vraiment un outil pour t'aider à tirer justement les pelotes et aller voir. Parce que quand tu réponds dans l'émotion, c'est pas en fait une réponse. D'accord ? C'est une réaction. C'est une réaction. Et là, justement, tu vas tirer les ficelles et tu vas commencer à voir. Généralement, dans les formations CNV, ils te filent en fait une liste parce qu'on les a pas. Forcément, tout ce vocabulaire pour exprimer nos sentiments. Hein. Donc, dans un premier temps, en fait, on se pose avec soi et puis on va voir ce qui a généré le sentiment, le sentiment qui nous traverse. Et après, ben, en fait, c'est d'aller voir. Il n'y a pas de sentiment positif ou négatif. De toute façon, ils parlent tous de nous. C'est le fameux processus que tu vas nous expliquer ultérieurement en détail, voilà. Donc je disais donc que nous allons faire une petite pause musicale et pendant ce temps-là réfléchissez à toutes les expériences que vous avez pu faire au premier, au deuxième, au troisième degré au sein de groupes, d'associations ou d'institutions où vous avez ressenti un certain manque de bienveillance, voilà, sans citer évidemment automatiquement des choses précises, mais peut-être dire comment vous l'avez vécu à ce moment-là. Voilà. Nous allons entendre Jean-Claude qui va nous interpréter. Ma compagne fidèle. Elle est ma ville, compagne fidèle. Et je ne pourrai jamais me passer d'elle. C'est mon refuge, ma bouée, mes mines. Ma respiration tranquille. Son arc-en-ciel, qu'elle sait mettre en accord avec le soleil. Aussi bien la mélancolie que le temps qui passe, ou les amours qui s'enlacent. Elle est l'âme des mélodies, le murmure des gouttes de pluie, le frisson d'une aile égratignant le ciel. Chante les vents du paradis. Le frisson d'une aile égratigne le ciel. Où chante les vents du paradis. Comme on entend la mer dans un coquillage, son ventre résonne de mille voyages, de tant et tant de lieux où toujours vent debout. Elle ennoblit ses mes rendez-vous. Sous le grand ciel bleu ou dans la déprime, elle met le grappin sur la moindre de mes rimes. Pour lui donner cette couleur imprévisible, aussi sensée que sensible. J'aime quand sa partition titille mon inspiration. Quand les mots, les notes s'entremêlent et tricotent la douce étoffe d'une chanson. Quand les mots, les notes s'entremêlent. prime jeunesse, quand j'étais croquenote qui draguait les princesses. Elle gémissait sous mes doigts malhabiles, et peu importe le style. Il en a fallu des années de labeur pour que nous conversions avec plus de bonheur. Et si je n'ai pas su honorer toutes ses vertus, tout n'est pas perdu. Tant qu'elle sera à portée de mes mains, nous suivrons le même chemin. Le chemin d'où s'envolent toutes ces idées folles qui feront les chansons de demain. Le chemin d'où s'envolent toutes ces idées folles qui feront les chansons de demain. Elle est de ma vie la compagne fidèle, et je ne pourrai jamais me passer d'elle. Merci Jean-Claude, très belle chanson. Nous sommes habitués à cette belle voix. Voilà, très belle chanson. Voilà. Merci. Qui aimerait redémarrer le débat? J'ai tendance à réagir quand même sur ce qui a été dit précédemment, parce que je suis pas une fille particulièrement violente, mais je peux l'être quand même. Ça m'est arrivé puisqu'on fait appel à nos références. C'est-à-dire que tant qu'il y a du dialogue, on peut éviter de passer par une montée de la moutarde qui monte au nez, par exemple. Alors que quand on se rend compte qu'il n'y a plus de dialogue possible, que les mots glissent et qu'on n'a pas de prise et qu'il n'y a plus de contact, ça peut déraper. Alors, j'ai une idée... une anecdote de ma vie très précise où il m'est arrivé, c'est pas très joli de mettre une trempe à quelqu'un, mais quelques années après, il m'a rappelé au téléphone en disant « Bon, je t'appelle, mais c'est pas moi, c'est mon frère. » Ah, je dis « Quoi, ton frère? C'est toi qui m'appelles là maintenant. » Il me dit « Oui, mais enfin, c'est mon frère qui m'a dit que quand même, je devrais reprendre de contact avec toi parce que finalement, tu sais... » Mais tu as eu raison de m'en coller une. Parce que, voilà, il y avait des choses qui n'allaient vraiment pas. Ouais, d'accord, ok. Donc, comme il a un peu insisté, je l'ai secoué, puis ouais. J'ai mis un gros coup de pied au derrière, puis d'accord. J'ai chassé, d'accord. Il retourne chez lui. Ça fait une grosse histoire, parce que c'était un collègue dans des locaux ouais. Donc, ça a manqué dégénérer beaucoup plus loin. Mais, mais c'est voilà. Clair qu'il y a des moments où c'est difficile. Oui. On va dire ça comme ça. Oui. Mais c'est bon, voilà, finalement, j'ai bien fait. L'expérience m'a prouvé que finalement, j'ai bien fait. Ben, c'était peut-être une petite goutte qui avait fait déborder le vase. Oui, et là, la discussion du jour, c'est justement comment pourrions-nous faire pour ne pas faire déborder les vases. C'est mieux que ça déborde pas. Voilà. C'est vrai que c'est des fois très compliqué. Voilà. Oui. Alors, oui, moi, c'est vrai que ça me fait... tilt parce que là Marie-Michel vient d'évoquer une violence physique. Ah oui, mais je trouve que souvent les violences verbales font aussi mal parce que celles-là on peut les administrer même à distance au téléphone ou des choses comme ça. Une violence physique, on est au moins en face de la personne. Enfin, ouais. Je veux dire. Mais la violence verbale, elle est terrible. Et ça peut être beaucoup plus ça peut être beaucoup, voilà. Oui, beaucoup plus cruel, c'est vrai. Pascal. Ah, Aurélie. Ah, merci. Voilà, Aurélie. Oui, moi, je voulais rebondir un petit peu sur la moutarde qu'ils m'ont donnée, forcément. Oui. Je me rends compte de beaucoup de choses, parce que moi, je suis quelqu'un de très calme, et je suis la dernière à parler, en général. C'est quand ça monte trop que, voilà, que ça me fait monter à mon tour. Moi, c'est l'inverse. J'aimerais bien pouvoir, au milieu des choses, quand je les sens venir, dire stop, il va y avoir conflit, on arrête là, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un mal-être. Chacun, enfin, telle ou telle personne devrait exprimer ce qu'elle ressent, mais je ne le fais pas. Mais c'est surtout, j'ai remarqué dans les grosses interventions violentes, comme ça, verbalement, dans les associations, c'est souvent le plus courant, c'est l'ego, en fait, qui prend le dessus. On oublie de parler avec son cœur, on ne regarde pas l'autre pour ce qu'il est, ou évidemment sa position par rapport à la situation. Et c'est, moi, je montre que, voilà, j'ai un ordre à tenir, donc c'est mon ego qui prend le dessus, et j'ouvre la bouche et je ne réfléchis pas à est-ce que je vais toucher les autres ou pas. Parce qu'en général, quand on se prend la tête avec une personne, on touche toutes les autres. Et ça, c'est quelque chose qui, on se dit, bon, bah voilà, après, éventuellement, on va s'excuser envers une seule personne, ou très souvent pas du tout, on estime qu'on a eu raison. Et on oublie ce côté humain, finalement, le côté humain, le côté est-ce que j'ai blessé, finalement, mes partenaires d'associatif, etc., qui aussi donnent de leur temps, leur énergie dans l'association. Il y a un manque de remise en question, parce que l'ego prend le dessus. La question serait comment faire pour éventuellement chasser cet ego qui prend beaucoup plus de place. On en revient à se centrer avec soi-même, se poser des questions et se dire, tant que je ne me respecterai pas, je ne respecterai pas l'autre. Oui, et je pense que l'ego crie quand on ne se respecte pas. C'est ça. Moi, je chasse mon ego. Après, j'arrive. C'est Jean-Luc qui avait demandé la parole. Pascal. Mon ego, et je passe à Jean-Luc. À Pascal. Pascal. Ça fera l'affaire. Pascal, dis-moi. Moi, ce que je pense, c'est que, en fait, on n'a pas la recette. C'est pour ça. Ça serait bien. On ne se rend même pas compte que les Occidentaux n'ont pas la recette. Je me suis rendu compte que dans d'autres peuples, ils étaient bien plus évolués que nous par rapport à la communication. Donc en fait, ce qu'on peut accepter, il me semble, c'est d'être touché, d'avoir des émotions par rapport à comment se comporte l'autre, etc. C'est pas la question. Mais il y a des choses excessives qui, effectivement, qu'il est souhaitable d'éviter. Hein. Ce qui a à cultiver peut-être, c'est que il faut accepter que quand l'autre nous énerve, c'est que c'est parce qu'il y a quelque chose de l'autre que nous avons qui résonne avec nous-mêmes. Ça me fait penser à une phrase de Nietzsche qui dit ce que nous aimons chez les autres, c'est ce que nous aimons en nous, et ce que nous n'aimons pas chez les autres, c'est ce que nous n'aimons pas en nous. À partir du moment où on cultive ça dans une société et qu'on l'applique le plus possible, la meilleure façon possible, ben je pense que les choses s'arrangent pas mal. Ah, alors, voilà. Ouais, alors, on écoute Janine qui voulait dire. On est des miroirs les uns pour les autres. Oui, c'est important. C'est vrai que depuis que j'ai assisté un petit peu avec Hervé à une petite réunion là avec Laure, je me suis penchée sur le livre de Thomas d'Assembourg, Cessez d'être gentil, soyez vrai. Et bon, je m'intéresse beaucoup, moi, à tout ce qui est psychologie, communication. Enfin, je réfléchis beaucoup là-dessus, même si j'ai mes propres difficultés. Et j'ai trouvé que la méthode observation, l'observation des choses, après le sentiment que ça nous procure, puis ensuite voir notre besoin et après formuler la demande, bon, c'est un chemin qui va bien, mais en pratique c'est quand même difficile à mettre en place parce que souvent la colère ça éclate quoi, puisque le thème c'est quand même dans les associations, je voulais dire tout à l'heure que comme dans la vie professionnelle, les gens qui s'investissent énormément, à corps perdu, la tête dans le guidon, dans le milieu associatif, dans plusieurs milieux associatifs, moi pour fréquenter des milieux associatifs, que ce soit point de vue santé ou bien d'autres choses, pour essayer de voir du monde, etc. Eh bien, je vois que ces gens-là, en fait, ils ont... c'est comment dire, je trouve plus le mot. C'est une fuite. C'est une fuite en avant pour ne pas s'occuper d'eux-mêmes, déjà. Comme disait Claire, c'est déjà... voilà. Et c'est quand même un problème parce qu'après, la qualité de bénévolat qu'ils fournissent est mauvaise. Moi, j'ai vu ça dans les associations de patients, etc. Moi, des fois, j'avais envie de dire, mais qu'est-ce que vous dites là? Qu'est-ce que vous faites là? J'avais le sentiment que ces gens ne sont pas à leur place parce qu'ils ont déjà des problèmes à régler. Ils n'ont pas rempli leurs besoins. Voilà, en eux-mêmes, ils n'ont pas rempli leurs leurs propres besoins. Ouais. Et c'est vrai que ça demande du courage parce qu'il faut s'isoler, il faut faire moins de choses pendant un temps pour ça. Ouais. Est-ce que, voilà, Enola... Parce que Vincent, tu avais envie de dire quelque chose. Oui, sûrement. Enola. Je ne sais pas quoi dire, mais j'ai rien à dire. Sûrement. En fait, je suis d'accord avec l'importance du côté souverain où on doit aussi prendre soin de ce qui vit en nous et des besoins qu'on a comme responsabilité de nourrir, de ne pas projeter ça vers l'extérieur et attendre de l'extérieur de cette nourriture-là. Par contre, j'ai vraiment... moi, je sens que ça me pince et ça me fait... J'ai un peu de peur qui vient. Avec des discours comme ça, où si on part trop dans l'extrême, on va se couper du reste du monde en pensant que tous les besoins doivent être nourris par nous-mêmes et que nous sommes l'individu. Ah non, c'est pas ça qui a été dit. Okay. Ce qui a été dit, c'est un peu... Alors, moi, je le dirais autrement, ouais. Avec une métaphore assez terre-à-terre. Si un pommier ne fait pas de pommes, il ne va pas pouvoir en offrir. Si nous, on ne s'aime pas, on ne va pas pouvoir aimer les autres. Oui, bien sûr. Donc, avec le pommier, c'est le plus simple. Vous voyez, un pommier qui n'a pas de pommes, puis qui dit « Ah, ben, je vais t'offrir des pommes. » Oui, lesquelles? Celles que tu n'as pas eues ? Mais pour réussir à avoir l'énergie de produire ou créer des pommes, on a aussi besoin de tout le mycélium qui va être en ramification dans le sol, tous les éléments. En fait, oui. Je pense qu'on est forcément en lien avec une totalité. Oui. Qui nous permet aussi de pouvoir nourrir ces besoins qui sont individuels aussi. Mais dans... par rapport à ses propres blessures, par rapport à ses propres blessures, c'est son passé qui a une grande influence sur le relationnel. Moi, vous savez, je reviens de loin, j'étais quelqu'un qui ne parlait pas. Voilà, j'ai vécu dans un milieu où la seule communication, c'était la violence verbale. Et ça, c'est vrai qu'actuellement, je me découvre à communiquer. Ouais. C'est un effort pour moi. Ouais. Mais je trouve ça extrêmement intéressant. Et si on ne jette pas un regard, si on ne travaille pas sans aller jusqu'à faire on peut faire des thérapies, d'accord, des analyses qui vont durer des années, mais quand même, c'est pas nécessaire d'aller jusque-là. Une prise de conscience, un retour sur soi, sur son propre vécu. Oui. Parce que, en fait, moi, je me rendais compte que je punissais les autres de des propres souffrances que j'ai reçues. Et je punissais les autres en étant, mais pas volontairement, hein, mais en étant... pas suffisamment ouverte ou en leur en voulant parce que voilà, ils voient leurs petits-enfants, moi je ne les vois pas, etc. Voilà, et moi, c'est la prise de conscience de ces choses-là, de ces propres blessures, ça améliore beaucoup la relation avec l'autre. Oui, je pense que ça, c'est essentiel, effectivement. Oui. Très court. Très court. Voilà. Elle m'avait levé la main. Je reviens juste sur ce que Nola a dit. Il ne s'agit pas de... De jouer du nombrilisme. Non, mais ce que tu as dit, que tu as peur qu'on se nourrit, enfin qu'on se recentre sur soi. Oui, effectivement. Mais quand tu nourris les autres avec ta générosité, ton altruisme, il faut penser à te nourrir d'abord toi-même. C'est quand tu seras nourri, ou quand, moi, c'est quand je suis, c'est des métaphores, mais si je suis bien nourri, eh ben, je peux donner aux autres. Mmh. Voilà. Mais il ne faut pas s'oublier. Mmh. Voilà. C'est tout. Voilà. Ben moi, ça revient en fait à la même chose, en fait, mais je vais un peu expliquer mon histoire. Juste rapidement, je suis rentré dans une association, on m'a laissé la présidence au bout de 2 mois. Et moi-même, je suis venu ici pour me retrouver, donc autant personnellement que professionnellement. Et j'ai rapidement pu constater qu'en fait, j'étais pas prêt à rentrer et à donner ce que j'avais à donner dans une association. Et de plus, ça se passait mal parce que je faisais que gérer des problèmes de conflit, plus que de parler vraiment de ce qu'on voulait faire ensemble. Et à un moment donné aussi, je me suis dit, mais pourquoi en fait tu as fait ça, ou pourquoi tu vas faire ça? Et en fait, c'était la trouille. C'était effectivement la trouille de me retrouver tout seul. Et je crois que j'avais besoin en fait de l'amour des autres, justement, parce que je manquais d'estime de moi. Et ben voilà, j'avais trouvé cette solution-là. Mais du coup, après, la question à se poser, je crois, c'est de dire, est-ce que je suis en fait toujours dans la joie de donner, ou est-ce que je suis dans la peur de perdre? Ça, c'est intéressant, oui. Et moi, je crois que j'étais plus dans la peur de perdre. D'accord. Et après, il a fallu un autre courage, c'est que quand vous avez pris la présidence d'une asso, c'est de pouvoir dire, ben écoutez, là, finalement, ben, ce que je vis, ça ne me convient pas. Et même si vous avez compté sur moi, c'est, ben, je ne peux pas. Ouais. Et c'est penser d'abord à soi. C'est beaucoup d'humilité. Mmh. Beaucoup d'humilité. Je voulais dire que je constate deux formes de d'agressivité associative dans les associations, si je peux dire. D'une part, il y a ça rejoint aussi le travail sur soi. Parce que quand on est fatigué, énervé, pas dormi, on est tout de suite sur un cran, comme on dit. Et dans ce cas-là, il y a aussi des personnalités que je connais, même moi, des fois, peut-être, dans ma vie passée, ou parfois, qui donnent une contenance. Le mal à l'aise crée une agressivité dans l'extérieur. C'est-à-dire, si on n'est pas bien, on aura tendance à surmonter ce malaise par une certaine agressivité. Il y en a comme ça dans les assemblées. Bon. Alors ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est quand cette agressivité, c'est l'espèce de masque qu'on se met constamment, et c'est des gens qui sont habitués constamment à être comme ça depuis des années, des années, des années. C'est pas mon cas. Et dans ce cas-là, ça se conforte dans eux, si bien qu'ils sont fiers d'être comme ça. Et j'ai pas de porte derrière, moi. Et je dis ce que je pense, moi. Et dans ce cas-là, dans les assos, on a ça parce que c'est souvent des personnes, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure sous une autre forme, parce que moi, quand je suis pas bien, je dis des conneries, ce qui me met à l'aise. Et donc, et oui, c'est ma forme d'agressivité surmontée. Et donc, donc cette forme-là existe c'est ce que j'appelle le dévouement agressif. Voilà, il y a des gens qui sont très dévoués, mais très dévoués. Alors moi je suis dévoué, moi, c'est moi qui fais tout. Voilà. Ouais, ça c'est vrai qu'il y a des spécimens comme ça. On en connaît, et ça pullule dans les assos, parce que justement, comme on n'est pas payé, comme je disais tout à l'heure, comme on n'est pas payé financièrement, on se paye en égo, go, voilà, c'est tout. Mais ça rejoint quand même le travail sur soi et le travail sur autrui, et voilà. Non mais j'aime bien ce... J'en fais. Qu'est-ce qu'on en entendait comme ça? Oui. J'ai tout fait. Moi, j'ai tout fait. Déjà, moi. Les autres. Ah, ouais. Attends, on va juste. Oui, c'est un peu une question que je me pose. Si c'est le fait de voir chez l'autre quelque chose qu'on n'aime pas chez soi, et c'est ça qui fait qu'on peut être agressif vis-à-vis de l'autre, est-ce que du coup, ce qui pourrait nous rendre. Moins agressif, ce serait du coup de faire ce travail sur soi avant d'aller vers l'autre. Oui. Comment on fait après? C'est une excellente idée en tout cas en même temps. Si c'est pas l'un après l'autre, au moins en même temps, ouais. Mmh. C'est clair que aller vers les autres demande déjà d'aller vers soi. Mais on peut pas tout régler. Non. Non, puis il y a un âge pour tout, hein. Non, parce que là, voilà, c'est audio, on ne voit pas, mais c'est quand même... tu as 20 ans à peu près? Ouais, 19 plutôt. Et non. Ouais, 18. Ben voilà, 18. Donc à 18 ans, c'est vrai que ça peut paraître un peu immense, mais je ne sais même pas si j'aurais abordé le sujet à 18 ans, moi, tu vois. Donc je trouve que tu es déjà bien en avance. par rapport à d'autres ici où on a abordé le sujet très tard. Voilà. Donc, c'est comme ça que je te répondrai en quelque sorte. Que c'est déjà bien d'aborder le sujet si jeune. Alors, avant, moi j'avais parlé de Thomas d'Ansbourg en fait, qui avait justement, on a parlé en fait du livre Cessez, gentil, Cessez d'être gentil, soyez vrai, qui s'est lu à 1 million d'exemplaires. Moi j'ai fait une formation maintenant et je vais juste le lire. Je vais juste dire quelque chose que j'ai eu en formation et qui va un peu peut-être éclairer tout le monde. En fait. Alors c'est en fait les paroles de Thomas d'Ansbourg hein, dans cette formation. Je travaille dans l'associatif avec des personnes qui s'engagent avec beaucoup de générosité. On va faire du bien, on va s'occuper de ceux qui sont dans la difficulté, dans la souffrance. Et souvent ces personnes s'engagent rapidement dans l'action sociale avec une belle intention et souvent beaucoup de générosité. Et cependant, ils n'ont fait aucun travail sur soi, autre qu'une prise de conscience des blessures anciennes. Des mécanismes qui projettent sur l'autre ou qui interprètent ou qui déforment la réalité. Aucune connaissance et pacification de soi. Et malheureusement, cela se ressent beaucoup dans les équipes. Des tensions, des divisions à l'extérieur sont le reflet de divisions à l'intérieur et qui n'ont pas été portées à la conscience. Très bien. Ouais. Pascal t'attend déjà depuis un moment. Hein. Oui. Pascal, du coup, en Prums, non ? Oui, je crois. Pascal en Prums. Oui. Oui, en fait, moi, j'ai pris conscience. Et c'est vrai que la prise de conscience, elle est fondamentale. Et en fait, les autres, dans le cadre du collectif, j'ai l'impression qu'ils sont précieux pour ça. C'est parce qu'ils nous aident à la prise de conscience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a des difficultés avec les autres, moi j'en ai eu, quand on a monté Épinal en transition avec les ateliers d'autoconstruction, je me suis rendu compte avec le temps, mais il m'a fallu du temps pour voir que j'étais dans le contrôle, je voulais que les autres se comportent comme j'imaginais qu'il fallait qu'ils se comportent. Et en fait, j'avais tout simplement à comprendre ça et que je demandais aux autres de faire d'aller dans le sens de là où moi j'avais à aller en fait. Hein. Donc voilà, ils ont été un révélateur de ce sur quoi j'avais à travailler moi. Voilà. Enola. Encore une fois. Quand on peut, on veut. Non. Ah non. C'est pas vrai. Faux. Non. Ça dépend des personnes. Ah ouais. Quand on peut. Ah. Quand on peut. Alors bon, on va laisser Enola s'exprimer. Laissez-moi m'exprimer. Voilà. Parce que c'est quand même, la première partie est quand même l'expression avant tout. Parce qu'encore une fois, faut-il avoir la possibilité d'avoir l'environnement qui soit propice, le mode de vie qui soit propice pour avoir le luxe de penser à tout ça et d'avoir la possibilité de réfléchir à comment j'interagis dans le monde, comment j'interagis dans mon propre monde intérieur. Et du coup, moi, ça me fait de la peine. Enfin, je pense à plein de personnes que je peux connaître, que j'ai moi-même jugées. Enfin, ça m'a beaucoup parlé ce que tu as dit. Où, moi, il y a quelques années avant, je me disais, j'ai ces gens-là, en fait, je me sentais en supériorité parce que je comprenais des choses que eux ne comprenaient pas ou parce que c'était pour eux pas possible de les voir ou de les comprendre, on n'arrivait pas à en discuter parce que je les prenais aussi pour des personnes qui ne voulaient pas changer ou grandir ou quoi, mais en fait ils n'avaient pas la possibilité, peut-être qu'ils ne l'ont pas non plus, moi j'ai plein de trucs sur lesquels je suis très con aussi, je ne suis pas Bouddha et comme ce que tu disais en fait on ne peut pas tout comprendre et tout décortiquer et encore une fois je trouve que c'est important aussi de réancrer ça dans un contexte social. Pas juste de parler de la CNV en soi, en fait là on est dans un entre-soi, on a tous le luxe et la possibilité d'en parler et d'être sensibilisé à ça et de pouvoir potentiellement le pratiquer, le mettre en pratique. Mais il y a plein de gens encore une fois qui n'ont pas le cadre propice pour ça et moi c'est ça aussi que j'aimerais beaucoup, là on a la possibilité de le faire donc faisons-le, là on a un pouvoir là-dessus, on va pouvoir le faire ensemble, j'ai très envie de ça. Mais moi je pense à toutes ces personnes aussi qui ne peuvent pas avoir envie de ça. Je m'excuse parce que tu as dit quand on veut. Voilà, j'ai compris l'inverse, donc je m'excuse. Ah non, justement, ouais, c'est. Moi aussi. Non, c'est. Autant pour moi. Oui, non, c'est quand on peut, on veut. C'est ça, sinon. Ça me fait réagir parce que. Ah non, non. Non, le quand on veut, on peut. Moi, j'ai une énorme volonté. Oui, je suis quelqu'un qui a une énorme volonté, mais. J'ai une sorte de ralentissement psychomoteur On imagine parce que on a de la volonté que voilà, que c'est pas normal que je sois lente à la réaction et tout. Et moi, je suis rejetée par ma famille à cause de ça, parce qu'on assimile ce ralentissement, un manque d'intelligence et un manque de volonté. Bon, bah Janine, je vais t'annoncer une très bonne nouvelle. Ici, nous sommes à ralentir pour vivre. Justement, je voulais dire que j'ai pas besoin de ralentir. Bon, parce qu'il y a une période de ma vie où j'ai voulu justement suivre le cours de la vie ordinaire de la société, c'est-à-dire dans la vie privée, parce que j'ai été mariée deux fois, professionnellement, parce que j'ai eu un diplôme d'état de boulot. Et c'était que des échecs, parce que pourquoi ? J'avais une trop forte volonté et j'ai fait un burn-out qui a duré des années. D'accord. Maintenant, Janine, nous allons discuter après l'émission. Je ralentis pour vivre. Très bien. Et l'association Ralentir pour vivre a encore besoin de 3 autres témoignages dont nous sommes en recherche, à la recherche de témoins. Avec plaisir. Voilà. Ah, Aurélie, toi aussi ? Ah oui, alors 2, c'est bien. Voilà. J'ai eu ce même problème de... j'essayais de m'apprécier moi-même pour ce que j'étais et de donner aux autres ce que je pouvais leur donner par rapport à mes moyens. Oui. Et je me suis retrouvée devant une société très violente, qui faisait qu'il fallait que j'accélère, qu'il fallait que je fasse ce que l'on me demande et qui n'écoutait pas ce que moi en retour je leur disais, oui je veux bien faire ce que vous me demandez mais dans ce rythme là, pas dans celui là et forcément non, ça passait pas et je me suis retrouvée moi aussi avec une belle dépression qui s'est transformée en burn out, ou bien non, un burn out voilà. Qui fait un état comorbidique dépressif, voilà. Et je suis partie en clinique pour me remettre en question et dire bon alors est-ce que c'est moi qui n'ai pas accepter ce qu'on m'a dit. Ouais. Donc là aussi, on pourrait parler de non-violence et de communication non-violente parce qu'on est dans le sujet, effectivement, l'épuisement est un sujet très violent. C'est une grande violence. Hervé. Alors juste par rapport à la... Justement, par rapport à la CNV, ce qu'il y a, c'est que, en fait, dans notre relation à l'autre, par rapport à la CNV, ce n'est pas, en fait... c'est arriver à changer son regard, en fait, sur la situation. Et intérieurement, en fait, sur ce qui se passe. Ça veut dire que l'autre en face, on ne pourra jamais changer, en fait. Non, d'accord. C'est notre regard, en fait, sur la situation. Qui on change. Peut faire évoluer. Ok. Et une chose que je veux te demander, parce que moi, ça m'interpelle, c'est que la première chose en communication non violente, et d'ailleurs, dans le phénomène de l'épuisement, c'est la même chose, c'est la bienveillance avec soi. Effectivement, la première personne, en fait, dont on a... Si vous voulez, dont on s'occupe, dont on doit s'occuper, c'est tout d'abord de nous, en fait. Et tant que vous ne vous occupez pas de vous, vous ne pouvez pas vous occuper des autres. Tant que vous n'êtes pas bien vous, vous ne pouvez pas vous occuper des autres, parce que vous vous épuisez, en fait. C'est un peu, il y a toujours, en fait, cette image de l'avion qui commence à dépressuriser, où, en fait, il y a les masques qui sortent, et là, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous commencez à le mettre à votre voisin, et là, vous perdez connaissance ? Ou est-ce que d'abord vous le mettez à vous-même et ensuite vous le mettez à l'autre pour pouvoir l'aider lui ? C'est ça, c'est une très belle image. Effectivement, Pascal. Moi je me suis beaucoup posé la question sur justement avoir un autre regard sur les situations, prendre du recul sur une situation. Et je reviens à la question des hommes politiques. Comment interagir de la meilleure façon avec les hommes politiques dont on considère qu'ils font n'importe quoi quelquefois. Qu'est-ce qu'on a à, comme action appropriée, en fait. Je pense qu'en fait les actions qu'on mène souvent sont inappropriées. Donc du coup, quelle action appropriée devons-nous entreprendre? Oui. Je me souviens de deux phrases de Marshall Rosenberg qu'il dit par rapport à ça. Par exemple, moi ça a résonné par rapport au comportement d'hommes politiques dans un temps où j'étais à Épinal en transition et même après. Et du coup, la première question, c'est qu'est-ce que je voudrais que l'autre fasse autrement, que l'homme politique fasse autrement. D'accord. Bon, ça veut dire qu'effectivement, je demande que l'autre change quelque part. Après, on peut reparler de ça. Mais en tout cas, qu'est-ce que je voudrais que l'autre fasse autrement. Et la deuxième phrase, c'est quelle bonne raison l'autre aurait-il pour faire autrement, justement. Et du coup, c'est plus la même chose que de frontalement demander à l'homme politique de faire comme ceci. ceci ou comme cela. C'est chercher une action qui peut-être peut déclencherait la bonne raison qui ferait que l'homme politique entreprenne autrement et dans le sens de ce qu'on voudrait nous également. Voilà. C'est-à-dire c'est nous changer en présentant les choses autrement. C'est ça. D'accord. Ça. Oui, voilà. Alors ça, je comprends. Voilà. Je comprends très bien. Merci, Pascal. Moi, c'est l'expérience des années et les déconvenues qui m'ont fait réfléchir au fait qu'on ne peut pas attendre de l'autre qu'il change parce qu'il ne peut pas savoir qu'on attend de lui qu'il change. Et c'est à nous, soit de changer notre regard, soit de voir les choses différemment, mais de... Sinon, s'il y a de l'attente, forcément, on est déçu. Ce que je voulais dire, c'est que parce que je parle d'action appropriée, donc en fait quelque part on aimerait que l'autre effectivement entreprenne différemment ce qu'il entreprend, donc effectivement on souhaite un changement, mais on va pas lui demander frontalement de changer. On essaie de trouver une stratégie qui fasse que il puisse trouver en lui ses propres besoins et qui fasse qu'il va quand même occasionner un changement qui rencontre nos besoins à nous. Oui, mais là, on est limite. Alors, qu'est-ce qui veut répondre là-dessus ? Oui, on y va, on tourne. Fatia. Alors, je rebondis sur ce que disait Bernard et moi, ça me fait penser à la systémie. Pascal, pardon. Ça me fait penser à la systémie. Quand on dit j'attends de l'autre qui change, et ben d'abord faut commencer à changer soi-même pour voir et opérer éventuellement un changement chez lui. Mais c'est vain, comme vous disiez, d'attendre, parce que déjà dans l'attente il y a une souffrance. Et la systémie, c'est voilà, ok, je réagis comme ça, il fait comme ça, je vais essayer autrement, je vais voir sa réaction, et c'est en tâtonnant. C'est peut-être ce qu'a voulu dire Pascal, mais de cette manière-là, ça m'a un peu... Non, simplement, j'ai une expérience récente, il y a pas de jour, d'un conflit violent entre deux personnes, et l'idée de faire un pas, c'est peut-être soi-même, et en l'occurrence, j'étais un mauvais médiateur, mais enfin bref, de reconnaître soi-même son manque à soi pour que les autres aient l'idée de trouver le leur. Alors, c'est ce que j'ai fait. Ça peut être désamorcé, peut-être. Oui, donc peut-être. C'est un peu ce qu'a dit Pascal, mais formulé différemment. C'est la façon dont tu as formulé. Moi, je le sentais plutôt comme une manipulation. Mais enfin, voilà. Vas-y, après il y a... Oui, la stratégie. La stratégie, c'est de la manipulation. Bon, on n'emploie pas les mêmes mots. Oui, voilà, on approfondira le sujet. Pour moi, c'est très court. Je vais dire. Attention, Aurélie, veut dire quelque chose. Jusqu'à tout à l'heure, on n'a pas parlé du. C'est pas grave si un jour ou l'autre on se heurte à quelqu'un avec qui le contact n'est carrément pas possible. C'est pas grave de ne pas s'entendre avec quelqu'un. C'est ça. Juste, on ne s'entend pas avec, on fait moins avec. On fait juste les choses essentielles et on le respecte. Mais c'est pas grave si ça passe pas. On peut pas demander à quelqu'un change parce que moi je t'aime pas comme t'es. Non, c'est pas possible. On va lui dire, bon ben écoute, moi ça passe pas trop avec toi, je vais faire un minimum, je fais au mieux. Écoute, maintenant, là dans ce moment présent, je fais ce que je peux, mais je peux pas faire mieux non plus. C'est ça. Voilà, il y a un moment donné, on a deux caractères opposés, ben c'est pas grave. Mais le principal, c'est de se respecter, pas de se demander de changer. Parce que d'une façon ou d'une autre, l'autre en face va comprendre à un moment donné que ce qu'on lui demande, c'est quelque chose qui va lui être impossible. Parce qu'arrivé à un certain âge, non, on peut demander à un enfant de 2 ans de changer parce que son comportement n'est pas adéquat, ok, mais on ne peut pas demander à une personne qui commence à se construire, à se mettre en question, etc., un adulte de changer, non. Parce qu'on a chacun des parcours totalement différents. Ce qui est beaucoup plus... ce qui fait que ça passe beaucoup mieux, c'est de toujours, de ne jamais oublier, surtout, de manquer de respect à la personne qu'on a en face, parce qu'elle est comme nous, elle a des problèmes aussi, et oui, nous, il y a des choses qu'on ne pourra jamais changer, et c'est pareil pour l'autre. Alors là, il y a des personnes qui ont demandé la parole et qui n'ont encore pas entendu, donc on va privilégier, voilà, Yola. Non, c'est juste une petite incompréhension, parce que depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que vous parlez surtout de travail sur soi pour pouvoir être au collectif. Ce que je comprends, mais en même temps, je pense qu'on a le droit de vouloir être en collectif sans avoir résolu tous les problèmes avec soi-même. Attends, alors là, je mets un bémol. Ouais. Dans la CNV, il est clair qu'on doit d'abord s'occuper de soi, mais on n'a pas dit régler. Oui. Parce que tu vas peut-être mettre 60 ans à régler tes problèmes, sois pas trop. Oui. Mais c'est pour ça que j'ai du mal. Ou 80, voilà. Non, donc, ou jamais. Non, on dit par contre, il faut déjà faire une prise de conscience de nous, ce qui nous habite. Oui, mais comment est-ce qu'on l'a fait si on n'est pas déjà confronté au collectif? Je pense, dans tous les cas, c'est un peu inévitable. Non, d'accord. Mais alors, il faut accepter aussi que dans cette confrontation au collectif, on va imprimer ce qui nous habite. Ouais. Donc il va falloir accepter qu'à un moment donné il va y avoir des conflits qu'on aura indirectement imprimés, d'accord. Donc on n'est pas en train de dire qu'il faut tout résoudre, on n'est pas en train de dire qu'il faut être parfait pour aller dans le collectif, on est en train de dire que dans le collectif c'est important de prendre conscience que quelquefois nous, notre façon d'être imprime le collectif, mmh. et qu'on doit en avoir, c'est ce que j'ai dit au départ, mmh. la responsabilité. Et en prendre, alors pas dire qu'on a réglé notre problème, mais en prendre la responsabilité. Et déjà là, le conflit, il est déjà résolu. Ouais. C'est ce que disait Aurélie, à partir du moment où on dit, ben oui, ben moi déjà j'ai ça, l'autre tu lui dis, c'est déjà 80% résolu. Quand tout le monde a mis un peu son genou à terre, qu'on a baissé les armes, qu'on est tous avec nos imperfections, et mais puis voilà. Dans ce cas, ça veut dire que, en fait, ce que je comprends pas, c'est pas trop, c'est le média par le, enfin, qu'on va utiliser pour, parce que, donc, on parle de communication. Une communication, ça implique deux personnes. Donc, comment on fait, enfin, on peut, ça peut pas être qu'un travail sur soi. Non. Alors justement, ça va être là, on va avoir un petit intermède musical, mais on va avoir une présentation, deux présentations qui vont nous dire un peu, oui, effectivement, un peu plus. Là, on a un petit peu été un peu plus, trop vite, mais là, on va passer à Mickey qui a demandé à s'exprimer. Oui, alors moi j'allais encore plus loin en rebondissant sur ce que disait Aurélie, c'est que l'autre est un cadeau finalement pour nous, pour apprendre à mieux nous connaître. Voilà, donc moi c'est un peu ma vision. Voilà, c'est un miroir. C'est un miroir, ouais. Donc c'est un cadeau pour nous. Mmh. Voilà, ce qui se passe, ouais. et comment est l'autre. C'est ça. Et même dans les grandes difficultés, on doit dire merci à l'autre de nous avoir montré notre défaut majeur. Ou voilà, on doit remercier Enola. Mais justement, par rapport à ce que tu disais, Yola, je trouve que c'est hyper important. Là, moi, c'est ce que je viens chercher aussi dans cette conversation, c'est de trouver un moyen de réussir à prendre soin du lien dans le collectif, en fait. Pour laisser aussi émerger les choses et surtout leur laisser de la place, mais sans que ce soit un truc qui nous déchire la tronche, quoi. De réussir à être en désaccord dans la relation à l'autre, dans le groupe, mais d'avoir un cadre qui soit un peu plus clair pour tout le monde, qui permet de structurer et non pas de ni manipuler ni oppresser l'autre, parce qu'on a déjà fait des ateliers comme ça où on parlait un peu de ces outils de communication ou de développement personnel ou je sais pas quoi, où en fait c'est tourné d'une certaine manière où au final on est plus, on s'éloigne du lien qu'on a envie de prendre soin de l'autre, et que ça devient un outil d'oppression, dépression. Alors je pense qu'on a un peu anticipé, parce que dans la suite du débat il va y avoir une explication qui va peut-être clarifier certaines choses. En attendant, eh bien, on va se faire plaisir. D'après vous, qu'est-ce que vous une allez chanson. Une petite chanson. Une chanson. Jean-Claude. T'as tes fans ici. On a les croupies, oui. Une chanson qui est tirée de mon dernier album, qui s'appelle L'entendez-vous. Ne pas s'abandonner la vie. chanson, vraiment magnifique chanson, dont les paroles sont hyper intéressantes, qu'on trouve sur ton nouveau CD. Oui. Très belle chanson. Et vous, son nouveau CD chez lui. Là. Oui. Il y a plein de ventes. Voilà. Et donc voilà, on va reprendre le débat. Là, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que pour l'instant, c'était un dialogue entre les personnes pour parler d'expérience, de ce comment voyait les choses et tout. Maintenant, on va voir le processus réel de la CNV, c'est quoi ? Donc là, je vais peut-être laisser Hervé nous expliquer. Alors en fait, le processus, hein, sous l'acronyme OSBD, en fait, de Marshall Rosenberg, ça veut dire, c'est quoi en fait, dans la première étape ? OSBD, c'est l'acronyme OSBD. Donc, ça veut dire quoi ? Observation, sentiment, besoin et demande. Et par rapport à l'observation, comme on dit, il n'y a pas d'observation objective. En fait. Ça veut dire que de toute façon, quand on observe la situation de l'intérieur, dans tous les cas, en fait, on aura nos filtres avec nos ressentis et nos émotions. Mais à un moment donné, si on devait prendre un exemple, par exemple, on va prendre l'exemple d'Issa Pabomaï qui nous parle en fait d'une personne, comme j'avais expliqué avant, qui en fait entre dans une salle et moi je suis à côté, cette personne me connaît mais elle me dit pas bonjour et elle passe devant moi comme si de rien n'était et elle va boire un coup avec une copine et moi qu'est-ce que j'observe, je me dis mais punaise c'est pas possible quoi, on se connaît bien et elle me passe devant sans rien me dire en fait, donc elle m'a ignoré totalement, donc là je me sens un peu déçu, triste. Ça, c'est en fait l'histoire que je me raconte, hein, parce que finalement, elle est juste passée devant moi. En fait. La tristesse et être déçu et avoir honte à la rigueur, c'est juste des choses que je me raconte. Hein. Donc ça, c'est la première phase, c'est l'observation que je fais de la situation, en séparant en fait la partie objective et la partie que je me raconte. J'essaie de le faire. Ensuite, c'est par rapport à ça, il y a un sentiment que ça va générer chez moi. Hein, tristesse, honte. Et en fait, ce sentiment désagréable, en fait, il est lié à un besoin. Alors, le besoin, en fait, en tant que tel, dans la CNV, il explique une autre chose et il l'assimile à quelque chose. Parce que le besoin, en fait, je suis dans le besoin. C'est pas en fait le besoin, c'est pas vraiment un terme qui nous parle de trop, et c'est souvent on l'utilise quand on est justement quand on doit nourrir quelque chose. Et en fait, c'est le besoin, je l'assimilerais plutôt comme lui à du j'aime vivre. Qu'est-ce qu'aujourd'hui la situation me fait voir et comprendre et que je ne vis pas ? Qu'est-ce que j'aimerais vivre en fait ? Et qu'est-ce que je ne vis pas avec toi ? Ça veut dire que quand tu m'es passé devant en fait, bah moi ce que j'aime c'est qu'on partage, qu'on se salue parce qu'on se connaît. Et qu'on se respecte l'un l'autre. Et là, je me sens pas en fait dans toute cette volonté et ce j'aime vivre en fait. J'y suis pas. Mais en même temps, ce j'aime vivre que je n'ai pas en fait, c'est moi qui me raconte toute une histoire derrière. Et qu'est-ce que en fait, comment est-ce que je pourrais en fait arranger la situation et garder ce lien avec l'autre, alors que visiblement il est pollué dans la situation. Ben en fait, c'est demander à la personne, est-ce que finalement ce que je vis là, est-ce que c'est vrai ? Je vérifie en fait. Et ça c'est au lieu en fait le processus intérieur de me faire un film machin, je vais poser en fait tout ce qui se passe. Et derrière, la chose la plus facile, c'est de vérifier, en fait. C'est pas d'aller dire à l'autre, « Ah ouais, mais tu vois, tu vas chez l'autre, et puis tu dis, ben, en fait, écoute, tu m'as pas vu, je me sens vraiment blessé, tu, en fait, as fait exprès, ou... » Non, en fait, tu fais le processus à l'intérieur, et après tu vas vérifier. « Écoute, je t'ai vu passer, là, tu m'as pas vu. » Et ça s'arrête là. Le processus de CNV tel que ça devrait être factuellement. Ah ouais. Mais nous c'est pas ça en fait qu'on fait, et si on l'apporte de la manière en fait où je me sens, tu sais, quand tu es arrivé dans la salle, je me suis senti triste et machin, et en fait ben tu n'as pas nourri en fait mon besoin de partage, de simplicité avec toi, d'amour entre nous. En fait, ça peut passer si on le pose tel que c'est comme ça et si on ne le comprend pas. Là, comme de la manipulation et de la psychologie à deux balles, que l'autre en face, il ne va pas comprendre. Hein? Donc c'est déjà vérifié. C'est en fait poser tout ça, ce qui va nous traverser. Ne jamais réagir dans l'émotion, parce que ce n'est pas une réponse, mais bien une réaction qu'on va donner. Et généralement, pas forcément. Mais pour faire tout ça, moi je pense honnêtement qu'il y a déjà une première phase. D'accord ? C'est d'être déjà en fait, d'accepter à travers ce processus qu'on puisse apprendre quelque chose. Parce qu'avant ça, et avant de découvrir ça, ce qu'on disait avant, mais on a toujours le choix. Avant, pour les gens qui ne connaissaient pas la CD, ils peuvent dire « je ne savais pas ». Aujourd'hui, il existe des outils et de multiples outils. Maintenant, on ne peut plus vraiment dire qu'on ne sait pas. Oui, donc je ne dis pas que ça, c'est le bon. La première chose, c'est observer ce qui se passe en nous. La deuxième chose, c'est exprimer à l'autre factuellement. Observer en fait, la situation d'une manière objective, en soi, qu'est-ce qui me traverse comme émotion. En soi, oui. Et le vérifier avec l'autre. Après, c'est le besoin, mais qu'est-ce que j'aime vivre avec toi que je ne vis pas ? D'accord ? Voilà. Et finalement, est-ce que tout ça, je ne me raconte pas un gros truc et je n'ai pas meilleur temps d'aller vérifier directement la situation auprès d'elle ? Et après, la CNV, c'est pas quelque chose de bisounours où, voilà, où on perd sa puissance. Où, de temps en temps, c'est pas qu'on ne peut pas exprimer de la colère. Hein, par rapport à une situation, mais comment est-ce qu'on va l'exprimer? Mais pas forcément de suite. Après, une fois qu'on a fait ce travail intérieur, de dire, écoute, là, tu vois, moi, la situation là, je la supporte plus, quoi. Ouais. Tu vois? Ouais. Est-ce qu'en fait, on pourrait pas nous mettre, est-ce qu'on pourrait pas en fait agir de cette manière-là ou trouver nous arranger de cette manière-là pour pouvoir en fait nourrir, garder ce lien qu'on apprécie tous les deux? En fait. Et faire une demande, oui. Ben, dans prendre du recul par rapport à sa colère, moi je vous conseille un livre qui s'appelle La stratégie du oui de Denise Desjardins, dans lequel elle dit, lorsqu'on est en colère, il faut savoir aller boire un thé avec sa colère. Donc je pense qu'effectivement, dans la première observation, c'est prendre du recul, puis dire ok, ça m'a monté à la tête, ça m'a monté au nez, tout ça, maintenant je vais réfléchir à mon comportement. Ok, est-ce que voilà, mon besoin est celui-là, est-ce que j'ai mal interprété, comme tu dis, aller vérifier, mais déjà prendre du recul, ça c'est sûr. Et juste encore une petite chose, parce que t'en avais parlé avant, mais c'est... Dans ce processus-là, en fait, il peut marcher, c'est une très bonne chose. Mais il y a un truc, en fait, c'est la personne en face et son ego. Parce que malheureusement, moi aussi, hein, j'étais là-dedans. Attention, il y a un an, en fait, quand j'ai une relation avec quelqu'un, je me projetais tout le temps sur l'autre. Hein. C'était sa responsabilité, hein, machin. Mais si à un moment donné, une personne, elle te dit, je l'ai entendu, hein, c'est pour ça que je le dis, mais si la personne, elle te dit, mais moi, en fait, une fois que c'est comme ça, et c'est pas autrement, parce que... moi, je veux le vivre comme ça, et parce qu'il faut avoir, en fait, pour mettre en œuvre, il faut avoir un certain courage de le faire. Parce que tu vas peut-être voir des trucs derrière, en fait, qui se cachent. Et il faut pouvoir, en fait, pouvoir pivoter sur soi pour avoir, en fait, une autre vision et accepter une autre vision, en fait. Et voir que derrière, il y a peut-être des choses qui sont enfuies. Parce que derrière, en fait, les poupées russes et les sentiments, les besoins, on va peut-être chercher des trucs, là. Donc il y a des personnes, ils veulent pas voir. Alors vous, en fait, à un moment donné, vous êtes dans ce processus et vous essayez d'aller vérifier. Mais qu'en fait, au bout de trois fois, quand vous avez vérifié, c'est pas perdre sa puissance. Hein. D'accord ? La CNV, c'est pas bisounours. Hein. C'est qu'à un moment donné, quand on se sent pas respecté ou qu'on a vérifié, mais que les choses, en fait, sont pas bonnes pour moi, on a aussi le droit de dire, ben écoute, tu vois, là, dans ces situations-là, on a vécu ça et moi, finalement, ça ne me convient pas. Donc voilà. Moi, je choisis ce qui est bon pour moi et on va en fait pouvoir travailler comme ça. Mais moi, maintenant, je ne peux plus... C'est ce que disait Aurélie. Voilà. Et savoir dire qu'une relation, là, elle n'est pas bonne. Voilà. Ouais. Là, on va passer à Pascal qui va nous expliquer ses expériences de médiation avec la CNV également dans le cadre d'une école. Hein. Effectivement. Voilà. Vas-y, Pascal. Donc, il y a un an et demi, je me suis trouvé directeur d'une école alternative. Et puis, on m'a informé tout de suite que... il y avait un conflit à gérer qui datait de à peu près un an entre deux mamans d'enfants. Et donc, je me suis dit que si j'arrivais à trouver une neutralité, à être prêt à gérer ce conflit, j'avais peut-être à dire que ok, je chercherai je veux bien faire une médiation pour aider à gérer ce conflit le moment venu. Donc c'est ce que j'ai fait. Ça a duré plus de 6 mois avant que j'entreprenne la médiation. Donc et je vais vous expliquer ce que j'ai fait pour comment j'ai mené cette médiation. Voilà, c'est une expérience. Donc moi j'ai fait avec mes outils ce que j'avais à l'époque, et puis du coup j'ai décidé d'en faire une expérience. Donc en fait, ce qui est important, c'est de sentir qu'on est capable d'être neutre dans le cadre d'interaction entre deux personnes qui sont en conflit. Donc si vous sentez que vous aurez des difficultés pour être neutre, c'est pas la peine de commencer, quoi. Hein. À un moment donné, je me suis dit, ok, j'y vais. Je me suis aidé du chapitre 11, je le sortirai tout à l'heure, vous le connaissez peut-être, du bouquin de Marshall Rosenberg sur la gestion de conflit. C'est les mots sont des fenêtres ou ce sont des murs. C'est le titre de son livre phare. Hein, et en fait, je me suis aidé de ça, puis d'autres ressources que je suis allé pêcher ici ou là. Donc j'ai commencé à préparer la médiation. Donc en fait, j'ai commencé à questionner des membres de l'école qui avaient vécu le conflit, parce que le conflit, il s'est révélé sous forme d'une dispute extrêmement forte, une colère extrêmement forte à l'occasion d'une réunion entre ces deux mamans. Donc du coup, j'ai questionné pour savoir comment ça s'était passé. C'est difficile aussi d'être neutre, parce que j'ai quand même l'interprétation de deux personnes sur un conflit qui a eu lieu. Donc, qu'est-ce que j'en fais? Bon, je me suis servi de ce qui était commun entre les deux témoignages, en fait. Voilà. Et après, j'ai donné rendez-vous aux deux personnes en conflit. Et puis, déjà, on a fait ça debout. Donc, les deux personnes debout et moi aussi. Et moi, entre les deux personnes. Et puis, en fait, on se rend compte que, il y a un moment donné, je me suis rendu compte, parce que c'était le moment de gérer ce conflit, qu'une médiation soit possible. Ça aurait pu être une personne extérieure qui le fasse, et pas moi, hein, aussi, c'était possible. Mais à un moment donné, il faut que les deux protagonistes, si je puis dire, soient prêts. Hein, si vous sentez que les deux personnes ne sont pas prêtes à échanger ensemble, c'est pas la peine, quoi. Hein, faut pas commencer, hein, parce que c'est perdu d'avance. Hein. Voilà, donc il y a un moment aussi pour que le conflit puisse être géré, pour que la médiation puisse avoir lieu. Donc le déroulé de la médiation, donc en fait c'est tout simple, j'ai quasiment rien eu à faire. Moi, il faut juste être en mesure d'être neutre. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le déroulé des faits, hein, puisque là, moi j'avais connaissance de certains faits, et le déroulé des faits qui a eu lieu, donc par une des personnes, par l'autre, etc. Et du coup, il s'est trouvé qu'il y a des choses qui ont été révélées que l'un ou l'autre ne savait pas au fur et à mesure de l'explication concernant les faits. Je me suis dit que j'allais vous relater la situation. Je ne peux pas vous la relater disons qu'il faut que je sois confidentiel. Donc du coup j'ai décidé de faire un parallèle avec une situation qui se déroulerait dans une entreprise. Donc il y a, on va dire, Alain et Béatrice qui sont chefs d'équipe dans une entreprise qui construit des maisons. Il y a Alain qui est plutôt dirigiste, on va dire, et Béatrice qui est plutôt souple. Et du coup, il y a Alain qui cherche à aller plutôt vite pour faire les opérations du chantier. Et puis Béatrice qui va chercher à être plus souple, qui va trouver aussi des solutions plus créatives peut-être, mais qui vont prendre plus de temps, etc. Donc ces deux personnes, ça va pas trop bien au niveau relationnel. Et puis elles entraînent les employés de l'entreprise dans leur sillage. Et puis donc du coup, ça donne quelque part des groupes de personnes les unes contre les autres, voilà. Notamment, souvent, c'est la majorité des personnes qui va être contre une personne. Hein, voilà. Et du coup, cette personne, il y a une personne qui subit du harcèlement. La personne qui est du côté de Béatrice qui subit du harcèlement. Et en fait, Béatrice, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir un architecte qui dit comment il faut faire les opérations, donc c'est une référence, voilà. Comment il faut faire les opérations, comment il faut les faire pour que ce soit pro, quoi, hein, du travail pro. Et puis du coup, l'architecte dit, bah écoute, ce que Alain a fait là dans ce cas-là, c'est pas pro, c'est même dangereux, il mérite une sanction. Donc Béatrice va voir son chef et puis fait une demande pour une sanction, puisque l'architecte, c'est lui qui a raison, donc elle fait une demande. Donc du coup, Béatrice signale à un moment donné à Alain qu'elle a fait une demande pour qu'il y ait une sanction contre lui. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, colère de Alain, grosse colère, qui dit, tu l'as fait exprès, tu voulais me causer du tort, me faire licencier, etc. Hein, voilà, forcément, grosse colère, grosse peur, etc. Et en fait, on se rend compte que c'est pas pour les bonnes raisons que les personnes sont en conflit, parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, Béatrice, elle a été influencée par un expert qui était l'architecte, hein, voilà, donc du coup elle en voulait pas à Alain, elle a juste été influencée par un expert, hein, donc du coup à un moment donné il y a le conflit qui va être géré, une médiation qui va avoir lieu, et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a l'expression la reconnaissance d'une certaine rigidité, on va dire, de Alain qui va s'exprimer. En fait, les deux, durant la gestion de conflit, durant la médiation, les deux personnes baissent les armes, en fait, et révèlent la raison pour laquelle, par exemple, Alain, pourquoi elle est trop rigide et qui occasionne des distensions. Et après, pareil, de son côté, Béatrice, elle exprime qu'elle avait un besoin de liberté depuis toujours, et puis du coup, c'est pour ça qu'elle est créative, qu'elle veut du temps pour faire les choses, alors qu'Alain, lui, veut être sécurisé, il a des besoins de sécurité, etc. Donc en fait, petit à petit, au fur et à mesure de la médiation, il y a ces besoins qui sont exprimés et qui fait que l'un et l'autre commencent à se comprendre et à comprendre les vraies raisons. Donc en fait, souvent le conflit, il a lieu pas pour les bonnes raisons. Hein. Il a lieu à cause de malentendus. C'est ça en fait. Hein. Donc c'est toujours comme ça. Ça a toujours lieu par rapport à des malentendus. Donc au final, bah, qu'est-ce qui se passe? Alain et Béatrice, si la médiation se passe de la meilleure manière, bah, ils se prennent dans les bras et puis ils se comprennent pleinement, et puis du coup ils se retrouvent et se réconcilient totalement. Voilà, donc en fait, pour les mauvaises raisons. Donc voilà, donc ce qu'on pourrait maintenant dire, c'est que les conflits auxquels qu'on a vécu, est-ce que maintenant on pourrait les voir avec une autre raison? Et c'est ça qui est intéressant. Je sais pas, tu veux prendre la parole, Aurélie? Oui, moi, il m'est arrivé d'avoir des conflits assez longs, d'ailleurs, avec des personnes, pas forcément où on avait besoin d'hurler, mais où c'était vraiment une mésentente totale. Mmh. Et du coup, ça mettait des vitres et des vitres et des vitres entre les deux personnes. Et au final, après 5 ans pour la personne avec qui j'ai vraiment eu des froids énormes, on s'est revus et chacun avait travaillé sur soi aussi. Donc voilà, on avait eu nos parcours différents, c'était pris la tête avec d'autres personnes, donc on avait réfléchi sur nos comportements justement aussi entre-temps. Et quand on s'est revus, on a reparlé de ça, justement, de ce qui avait commencé à créer la première vitre et puis la seconde, etc. Et puis, au final, on s'est rendu compte que c'était un grain de sable qui avait causé désert terrible entre nous deux. Et qu'au final, on aurait pris plus le temps de se dire « Ah bon, t'as ressenti ça comme ça ? Ben, moi, je l'ai ressenti comme ça. Mm. Ah bon ? Et quand t'as dit ça à la personne-là, ça a été vu comme ça. » En fait, on aurait plus pris le temps de s'asseoir et de parler de ce petit grain de sable qui avait causé le truc. On s'est rendu compte qu'on s'était vraiment guirlandé, mais pour rien. Et puis, la réconciliation a eu lieu, évidemment. Claire. Moi, je pense que, enfin, c'est très important ce que tu as dit, parce que tu as dit la personne, l'autre avait aussi réfléchi et fait un travail. Mais dans un conflit, il peut y avoir aussi, selon que c'est des personnes, on va dire, qui ont quand on a un passé ensemble, un vécu, des contentieux qui datent depuis plusieurs dizaines d'années, parce que c'est familial, je veux dire, il y a des moments où on baisse les bras et puis on coupe les ponts, parce que tu sais vraiment pertinemment, pour avoir fait des efforts sur toi, des efforts sur toi. Tu sais bien que tu es face à un mur et que la personne que tu as en face de toi maintenant, ne c'est... fera pas ce chemin. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, tout le monde ne peut pas s'entendre avec non, toi. Il y a un moment donné où la personne est trop différente. Non, puis ne pas confondre un conflit qu'on peut avoir avec une personne lambda de la famille et des conflits qui peuvent avoir lieu dans les associations. Parce que ce sujet... au sujet des associations est venu quand même suite à différents conflits dans des associations qui se passaient autour de chez nous. Voilà. Et donc, on s'est posé la question, on ne regarde pas le but de l'association, mais on regarde la bagarre entre Pierre, Paul, Jacques et Jean. Hein. Parce que Pierre a le pied trop petit, Jacques a la mèche de cheveux qui dérange, et Paul n'a pas le coup de crayon qu'il faudrait. Enfin, je dis n'importe quoi, mais c'est un peu ça l'idée. Hein. Donc, c'est vraiment assez choquant. Non, juste pour dire que la méthode OCBD... Là, OSBD. OCBD, tu te la fumes. Voilà, ah oui. C'est des feuilles de tabac et tu fumes avec noté, le son. Ça m'a bien plu, je l'ai vécu ce matin. OSBD. J'étais dans une collectivité, j'arrive, plein de gens, hein, et on ne me calcule pas celle-là ou celle-là. Qu'est-ce qu'elle se prend? Est-ce qu'elle est trop belle pour me regarder? C'est des impressions négatives, exactement ce que les trois premiers processus que tu as dit. Sauf que je ne me suis pas trop analysé. Et un copain, pareil, hein, il souffrait de la même. Comment dire pas qu'elle ne me calcule pas. Voilà, bref. Il me l'a dit, il n'était pas bien, il avait un malaise aussi, absolument ce que tu as écrit. Il se trouve que j'ai pas la phase finale de résolution, c'est faite d'elle-même. Je n'ai pas eu à m'exprimer, mais les personnes que j'avais, sur lesquelles j'avais projeté une frustration de ne pas dire bonjour, de mépris, pas de mépris, mais de méconnaissance. Je les ai vus après, mais c'était plus pareil. Très sympa et tout dans le pot qu'on a vu après. Je me suis dit, il y a quelque chose qui fait qu'on imagine, hein, et c'est là qu'il y a un travail, indépendamment du travail en amont de calme, de yoga, tout ce qu'on veut, méditation, mais même sur la situation de réflexion, je trouve que c'est très bien, je l'ai noté. Et ça, c'est exactement ce que j'ai constaté et qui pourrait peut-être, dans bien des cas, permettre de désamorcer des idioties, quoi, on va dire. C'est ça. Des fantasmes. Fatia. Alors, depuis tout à l'heure, on évoque en fait un conflit qui a lieu entre deux personnes, même âge, même condition ou association. Et là, en fait, moi, j'aimerais bien avoir votre point de vue sur un conflit que peut rencontrer un jeune lycéen avec la plupart de ses enseignants qui l'ont vraiment pris en, en grippe. Et en fait, je ne sais plus avant quelqu'un parlait, alors moi, mes études d'assistante sociale datent de peu, et il y a ce qu'on appelle la sociologie du groupe qu'on a étudié et qui est fort intéressante, qui est où effectivement, quand une nouvelle personne arrive, quand elle est différente, le nombre majoritaire va se liguer pour trouver le mauvais objet. Donc voilà, donc quand il y a un enfant face à l'autorité de l'enseignant, du sachant, comment doit-il agir? Moi, je ne sais pas, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Moi, je dirais que dans ces cas-là, que le parent demande un entretien avec le directeur et pose la question de savoir avec l'enseignant. Donc, le directeur, l'enseignant, les parents, de savoir exactement, de comprendre et de faire ce qu'il a dit en observation, c'est-à-dire d'aller vérifier. Écoutez, voilà, mon fils, il se sent comme ça, mais on voudrait savoir s'il y a une intention ou s'il n'y en a pas, ou si c'est inconscient, ou si c'est... On n'est pas en train de vous accuser, mais on est en train de dire, là, il y a un os. Là, le chat a mal à la patte. La fameuse observation et la fameuse aller s'en assurer. Vérifier. Vérifier, ça c'est à la fin, mais après, entre en fait la situation qui se passe et aussi en fait ce qu'on se raconte. Mais en fait, moi, ça c'est un des trucs aussi dans la CNV que j'ai appris. C'est aussi, mais c'est à travers le milieu associatif, mais ça, j'aime bien ce que tu dis. C'est à un moment donné aussi, c'est se dire, mais on est riche de nos différences dans une asso, en fait. C'est ça aussi, mais c'est dans la vie de tous les jours, hein, c'est d'arriver à se dire ça. Hein. Ouais, je pense que par rapport à la situation, il est important quand même de dire, d'aller vérifier. D'aller vérifier avec l'air bête et les oreilles décollées. Le jeune homme veut dire quelque chose. Bien sûr. On a déjà fait ce travail de vérification avec mon prof principal, mais sauf que le problème, c'est qu'ils sont tout gentils quand ma mère est là, sauf que quand ma mère n'est plus là, bah, c'est plus les mêmes personnes. En fait, ils ont deux visages. Donc du coup, comment après aller plus loin dans ce... Changer d'école. Enfin, je m'excuse. Je voudrais bien proposer la dernière chance, parce qu'on a connu un petit peu ça avec ma fille. C'est qu'elle prenne l'initiative elle-même d'aller gentiment voir les professeurs qui ne pouvaient pas la pifier à la fin des cours et leur dire « Est-ce que là, aujourd'hui, vous pensez que j'ai eu un bon comportement en classe? Est-ce que j'ai manqué de quelque chose? Donnez-moi les clés pour que je sois peut-être meilleure et dans cette intégration-là ou envers vous. Dites-moi. » Et à la fin des cours, c'est ne pas hésiter à aller voir ses professeurs et leur dire « Voilà, aujourd'hui, moi, j'ai fait ce que je pouvais en cours, j'étais à mon maximum. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose que j'aurais pu faire que je n'ai pas fait éventuellement ?» Et voir si les accusations sont totalement bêtes et indéfinies par rapport à toi ou si vraiment, là, tu vois que c'est de la méchanceté et que c'est du rejet total. Ou alors, si les petits conseils qu'ils te donnent, en les mettant en pratique, tu vois que tes professeurs sont contents de ton résultat. Et dans ces cas-là, il y avait vraiment quelque chose, ces jeux qui les gênaient, mais ils n'ont pas su vraiment te le dire, tu vois. C'est la dernière. Je pense qu'après ça, si vraiment ça va pas, change d'établissement. Oui, alors attends, Ah ouais, un truc qui m'est revenu justement et que je sais que. Excuse-moi. Ça a aussi changé ma vie en fait. Ça veut dire que bien souvent, t'es qu'en soi, on arrive et on rencontre une situation avec quelqu'un. D'accord, une situation négative. Et tout de suite en fait, on cristallise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur l'ensemble de la situation qu'on vit avec la personne, on se souvient de ça. Mais en fait, c'est pas que ça. La pensée binaire, c'est terrible. Oui. Ça veut dire que même si la personne, à un moment donné, tu as vécu ça avec elle, d'accord, ce n'est pas que ça. C'est une palette de choses, en fait. C'est pas du blanc ou du noir, il y a une palette de couleurs entre les deux, et la personne n'est pas que ça, en fait. Et souvent, en fait, les gens, ils cristallisent ça, et ils se rappellent que de ça, en fait. Et c'est ce qu'on vient de dire, c'est rappeler en fait par rapport aux situations qu'aujourd'hui je ne suis pas ça. Aujourd'hui, on a rencontré une situation qui a posé problème, ok, mais aujourd'hui ce n'est plus ça. Moi je suis ça aussi. Arrêtez de me rentrer dans une case. Hein? Pascal, tu voulais rajouter quelque chose? Eh bien, il y a quand même une situation qui a posé problème et qu'il faut régler pour moi. Et donc du coup, tu parlais de ce fameux phénomène de groupe. Moi, je l'ai observé aussi chez les enfants, même chez les parents de l'école et autres. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, il y a une personne, ou deux, mais souvent qu'une, qui a des problèmes personnels, qui a un comportement exagéré. Et derrière, tu as d'autres personnes qui suivent, hein, qui font conspiration un peu. Hein. Et donc du coup, il faut essayer déminer ça et du coup favoriser, disons, la prise de conscience du groupe que c'est cette personne-là qui pose problème. Si, voilà, faut tenter ça. Faut tenter l'identification de la personne qui est à l'origine du problème. Et du coup, quand il y aura deux ou trois, s'il y a deux ou trois enseignants qui reconnaissent effectivement que c'est une enseignante en particulier qui pose problème, à ce moment-là, on va la voir, on va voir cette personne et on lui dit est-ce que tu voudrais qu'on parle de ça? Est-ce qu'on peut... voilà, là on avance sur un processus, parce que la CNV c'est un processus. Alors... ton prénom. Juste, sauf ton que prénom. Yanis. Yanis, vas-y. Sauf que le problème, c'est que c'est pas un ou deux enseignants, c'est 80%, 90% de mes enseignants, en fait. Je me fais atomiser par tout le monde. D'accord. Attention, donc, d'accord. Oui, mais t'as entendu ce qu'il a dit. Il y en a un qui c'est a... C'est pour ça que... Et du coup, les autres... Voilà, voilà. Là-dedans, et là-dedans, la deuxième effet boomerang, mais bon, tu es jeune, tu as 15 ans. 14, 15, voilà. C'est que toi-même, tu adoptes un autre comportement du fait que tu as cette espèce d'image bloquée devant toi et ton comportement change aussi. C'est comme si on te baigne dans quelque chose, une teinture verte, ben tu vas devenir vert. Donc là, c'est la même chose. Tu es plongé dans un truc et tu prends la couleur. Donc il y a aussi, je pense, un soutien à lui apporter par un psychothérapeute ou quelqu'un qui lui explique la manière de s'affirmer lui aussi dans la situation. Parce qu'il y a aussi ça. Il y a les deux choses. D'où le fait aussi de la nécessité qu'il aille voir ses professeurs à la fin des cours pour leur dire est-ce que... Voilà. Puis il verra bien les comportements. Parce qu'il y aura forcément à un moment donné deux, peut-être, ou trois sur les 80% professeurs qui vont dire « Moi, j'ai remarqué un changement de comportement chez cet élève-là. Il vient me demander, il me pose des questions. Je le vois en cours, il me regarde. Il fait « Oui, il écoute bien les cours, etc. » Et je pense que la bête noire, au final, nous, on l'a trouvé comme ça, c'est que plus l'élève va vers ses professeurs échanger, plus le professeur qui répugne l'élève va se montrer autoritaire. Oui. Et ce professeur-là va forcément, à un moment donné, va se heurter aux autres qui vont voir la progression voilà. Et les améliorations de cet élève qui veut vraiment bien faire. Mais c'est là, le même... Là, il y a possibilité de vraiment arranger le problème. Mais c'est le... Là où les... Ouais. Éventuelles, deux personnes qui se mobilisent. C'est le même processus que dans une association quand il y a un conflit. C'est exactement la même chose. On va faire un petit tour de ceux qui n'ont rien dit. Ok. On va avoir droit à un texte de Vincent qui m'a dit qu'il avait préparé. Donc vu qu'il a préparé quelque chose, on va quand même pas le castrer. Donc ça serait très embêtant. Ah ben voilà. Ah oui. Là, voilà. Et on finira par une chanson de Jean-Claude. Et donc voilà. Alors par rapport en fait à ce professeur et parce que en fait Thomas Dansbourg, c'est pareil, il en parle. Mais en fait c'est par rapport à la gestion des émotions. Mais en fait ça devrait être enseigné à l'école. Ouais. Et les professeurs tout aussi bien que les élèves. Ouais. Et ce qui se passe, mais ça se passe aussi dans le milieu associatif, c'est bien souvent quand tu n'as pas fait le travail sur toi d'une quelconque blessure, qu'est-ce qui se passe en fait? Tu vas en parler partout autour de toi, sauf à la personne qui pourrait éventuellement régler le problème. Ouais. Et en fait, ça fout un bordel monstre. Mais là, en fait, tu relates cette situation-là, mais dans une asso, c'est pareil en fait. Non, c'est exactement la même chose. C'est exactement pareil. Ouais. Et effectivement, après, c'est à toi de voir et de comprendre. Et une fois que tu as compris déjà la situation et d'agir autrement, effectivement, la personne, en fait, quand elle va peut-être voir qu'elle a plus de prise, ça va totalement changer la donne. Et dans ce comportement-là, il y a d'autres personnes qui vont commencer à se poser des questions. Mais putain, mais il réagit, ouais, mais finalement, son comportement change. Et il y a plus, en fait. À un moment donné, ça a été cristallisé sur lui et on nous l'a rappelé tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais la situation, elle a changé, elle n'est plus du tout la même. Et en fait, cette vision-là, ils vont l'avoir aussi, et ça va totalement changer la situation. Merci Hervé. Corinne, qui n'a rien dit, qu'est-ce que tu dirais en conclusion de tout ça? Je dirais qu'effectivement, c'est très intéressant ce débat, parce que j'ai compris des choses par rapport au collectif. Je comprends que la vie est une constante évolution et que le collectif est un bon outil pour se remettre en question, être sans jugement, être bienveillant avec les autres et faire de ce fait un gros travail sur nous-mêmes et avec les autres. Pierre, qui n'a rien dit non plus, que dirais-tu ? Ben, j'ai constaté qu'on a surtout parlé des conflits, mais pas de la prévention des conflits. Ah, et intéressant. Donc, j'avais quelque chose à dire par rapport à ça. Donc, dans une association, en particulier quand on est responsable d'une association, on est aussi responsable de ce qui s'y passe. Donc, si on veut que ça se passe bien, si on veut qu'il n'y ait pas de conflits, ben, c'est mon expérience. Généralement, les associations, c'est des endroits où on prend des décisions en commun, où on a un projet commun. Mais pour qu'il soit vraiment commun, il faut vraiment que personne n'ait beaucoup plus de pouvoir que d'autres. Alors souvent, c'est le président qui prend un petit peu le pouvoir ou quelqu'un qui a un peu plus d'influence. Donc en tant que président d'association ou en tant que responsable d'association, je pense qu'il est important de donner la parole à tout le monde dans des réunions, comme tu le fais d'ailleurs avec le micro. Et puis, à la préparation d'une réunion où on va prendre des décisions, ne pas imposer son point de vue en disant « voilà, ça va se passer comme ça, puis ceux qui n'ont rien à dire, ben, ils disent rien. » Ou ceux qui ont quelque chose à dire, ben, on ne leur donne pas la parole. Donc, proposer un projet, apporter des arguments, apporter des documents avant la réunion pour que les gens puissent consulter et savoir ce que c'est vraiment ce projet, qu'ils puissent préparer aussi leurs propres arguments et non pas à chaud. Voilà, donc c'est vraiment donner la possibilité d'un véritable débat avec des arguments et prendre des décisions vraiment en commun sans qu'il y ait personne qui impose son point de vue. Voilà. Oui, c'est intéressant de dire, effectivement, on n'a pas parlé de prévention et c'est intéressant. Une autre personne qui n'a rien dit, que j'aimerais entendre. Jérémy, qu'est-ce que tu aurais à dire de tout ça ? Ah, que c'est une question complexe. Enfin, de toute façon, toutes les relations sont complexes. Enfin, il y a tellement de champs et de personnes qui sont interconnectées, interreliées. Et c'est en constante évolution et c'est... Enfin, c'est pour ça, en quelques mots, c'est... C'est difficile. Oui, en plus, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Bon, d'accord. Merci, Jérémy. Ah, merci. Voilà. Moi, je vais laisser Vincent qui va nous lire son texte. Ah, bon, moi. Et moi, j'en ai un tout petit à lire avant, que j'avais gardé, que j'aurais aimé placer avant, mais je n'ai pas eu le temps, parce que ça a été très riche, ce débat. C'est un texte de François Cheng, qui est philosophe, La réalité de l'âme. L'ancrage, ici... C'est la météo qui nous gouverne. Quelle différence y a-t-il entre le paradis et l'enfer, entre le nirvana et le samsara? En considérant l'enfer comme étant ce que l'esprit développe et nous enferme. Les pensées ne sont rien d'autre qu'un mauvais tour que nous joue notre esprit. S'en libérer, c'est retourner au paradis, c'est être au nirvana sans être dans le ceci ou dans le cela du samsara. Tout ça pour dire que dans la communication non violente, on sort de cet esprit qui cogite, qui se raconte, qui se fait des tas d'enfer, hein, en disant « oui, voilà, puis celui-ci, puis ceci, puis cela ». Et puis on en vient à des choses plus pragmatiques, d'observation et de ressenti, et on dédramatise sur toutes les situations. Je pense que la CNV est un excellent outil pour dédramatiser, parce que souvent les situations sont dramatiques, or qu'elles ne l'étaient pas. Voilà. Enfin, c'est ce qu'on a vécu dernièrement. On va entendre maintenant notre Vincent international pratique. Dédramatiser. Non, tu ne l'empoignes pas. Dédramatiser, c'est vite dit. C'est vite dit, dédramatiser. Alors que qui c'est qui a encore tout fait tout à l'heure pour préparer. Non, c'est pas moi, j'étais pas là. Mais si ça avait été là, ça aurait été moi. Hein, bon, déjà. Bon, c'est moi qui fais tout normalement. Hein, pousser les meubles d'habitude. Mais enfin, du moins, on compterait sur moi si j'étais là. Et téléphoner à la CECAM, à l'URSSAF, à la demande de subvention. Hein, et puis, c'est toujours les mêmes. Qui c'est qui fait ? C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Et je vous l'ai dit. Qui c'est qui est obligé de représenter l'association à à l'émission Ralentir pour vivre de Catherine Spitz. Ralentir pour vivre, te parle, faut bien qu'il y en ait qui court pour que les autres puissent ralentir. Pour se mettre les pieds sous la table. Enfin, il n'y a pas de table, mais c'est tout comme. Voilà. Relax, on foutrait du relax. Bon. Et moi, c'est moi qui suis encore obligé de rédiger en vitesse le papier pour l'association. Hein, te parle. Bon. Oui, moi, c'est le dévouement. Le dévouement, c'est l'association. L'association, c'est le dévouement. C'est dans les statuts. Hein. Il y en a qui font semblant de se dévouer. Hein. Mais, en fait, ils se dévouent à eux-mêmes, à leur ego. Ils disent moi. Ou s'ils disent pas, ils pensent. Oui, je les entends penser. Moi, j'ai pas d'ego. Hein. Je serais même le meilleur des sans-égaux. Il n'y a que moi, même dans l'association, qui n'a pas d'égo. Ou tête. Vous direz tête. Vous direz, mais il lit. Il n'a pas appris. Et si vous croyez que j'ai le temps d'apprendre avec tout ça, tout ce que je fais, hein? Bon. C'est pas tout le monde. Bon, faut penser. Hein. Bon, c'est pas tout le monde. Il n'y en a même pas beaucoup. Alors, je lis, mais je fais comme si je lisais pas, des fois, je fais comme si je jouais, c'est du théâtre. Bon, pas payé, mais content, comme je disais tout à l'heure. Je me paye en me faisant les dents sur mes coéquipiers, qui traînent les pieds, et qui parlent trop longtemps, se vantent trop en tout temps de se mettre en avant de ce que moi je fais, hein, toujours, toutes les fois. Et je suis associatif, modèle et rétif, à qui est moins que moi, attilé, attifé à l'effort, que c'est moi qui fais tout, que c'est moi le plus fort qui fait marcher la sauce. Citation, dont je suis l'unisson, plus unisson que moi, dans la sauce, il n'y a pas. Si tout le monde était comme moi, ça marcherait au pas, dévoué et voué à la tâche, sans tâche. Et je suis la cheville ouvrière qui fait tout marcher, sans me vanter, si tout le monde était comme moi. Ce serait bien, mais hélas, tout le monde se prélasse, quand moi je suis actif et même suractif, et qui plus est, personne ne reconnaît et dit ramer et me remercier et me remercie pas de l'association. Je suis bien le pompon là, à fond engagation et persévération. C'est pas pour me vanter. Allez, jolie assoce bénévole, merci, les causes en dévotion, toute l'année, ça booste et recommence, merci Léo, merci Lagrange, Yukaili, Aïda, yaka, faire comme moi, je suis l'yaka yakout à écouter, ça coûte pas. Allez, au pas. Et de la sauce, je suis bien le meilleur, j'ai déjà dit. Mais j'insiste, c'est vrai. Celui sans peur, qui a plus de cœur, le militant, le mirliton, quand d'autres, tant d'autres, préfèrent se la couler pépère mésère. Explication pédagogique. Regardez les fourmis, si elles sont efficaces. C'est l'association. Pas une qui bronche. Et le chef qui dit, allez, c'est le buzz qu'il faut activer, ou encore les abeilles. Bonne association, les abeilles. Hein? Et les Romains, ils en ont fait, du travail de Romains. Ils avaient des associés. Bon, un peu à coup de fouet, des fois, mais là, en faut, sur les fainéants, des fois. Et les Égyptiens. Ils en ont fait, du travail d'Égyptiens. Colossal, pyramidal. Bon. C'est sûr qu'ils étaient un peu contraints, les associés. Oui, mais là, il faut un peu dans les associations pour que ça marche. Hein? Moi, on peut critiquer, il y a sûrement quelques excès. Faut resituer dans l'époque. C'est comme ça. on dira, comment on appelle, esclave. Oui. Mais encore esclave voulait dire, sans doute, s'exclamer, s'exalter, s'éclater de joie. Le travail rend libre, comment on dit en allemand. Et toi, en tout cas, comme on dit dans les Vosges, bien commandé, travail bien fait. Travail bien fait. Voilà. Moi, j'aime pas trop commander. Hein, parce que, du reste, je suggère, je donne des petits conseils amicaux. Et toi, fais comme ci, et toi, fais comme ça, et toi, t'as encore pas fait ci, t'as encore pas fait ça, et toi, là. Qu'est-ce que t'as à dormir? Qu'est-ce que t'as à rêver? Bon, bah, c'est ça qui fait marcher, l'association. Sinon, c'est le laxisme, laxatif, on voit bien. Laxatif. Et faut revenir sur la notion d'association, resituer, revisiter la notion d'association. Hein. Et l'armée, on a critiqué, ouais, ça n'est une association. Une, deux. Ferme ta gueule, ou Newf. Si ça existait un peu dans les associations, ça marcherait mieux. Hein? Le problème dans l'association, c'est que les gens se veulent égaux. Oui, bien sûr. Égalité, fraternité. Mais faut pas exagérer. J'en suis un d'égal, moi. Ouais. Et même plus égal que les autres. Hein. J'en faut pour discipliner les égaux que j'ai dit. Il faut un chef. Oui, chef. Bien chef. Faut, c'est ça, les chefs. Faut des chefs. L'ouvrier. Je parle de l'ouvrier, parce que l'ouvrier pose un problème au chef. Mais, et le chef, le guide, comment on dit en allemand? En italien. Ou en espagnol. Il n'est pas là pour commander, mais pour suggérer avec précision. Voilà, précision. Carré. Je suis carré, moi. Et même carré au carré. Et l'homme et la femme, le couple, c'est une association. La grâce. Tiens, encore un exemple historique. Madame fait à manger, balaye la caverne, retire le roast beef, regarde les peintures murales. Oui, super. Pendant que monsieur, lui, il va à la chasse au bison. C'est la répartition des tâches. Bon, il est crevé, il a eu froid, il a sué toute la journée à courir après les bisons. Et c'est dangereux, les bisons. Et les mammouths. Madame. Il est revenu bredouille, mais il mange quand même. Oui, d'accord, peut-être. Madame, elle est au chaud. Elle a qu'à faire le travail de dedans. C'est du travail, mais moins. Répartition. Répartition, association, c'est ça la répartition. Il y en a qui diront sexisme. Oui, mais ça dépend par quel bout on le regarde. Et le capitalisme, c'est là. Je voulais revenir tout à l'heure. Parce que je m'étais trompé. Avec le travail, j'ai mis des. Et le capitalisme. Ben oui, il y a un patron. Hein? Il risque. L'ouvrier, il n'a qu'à venir là à 6 heures après avoir bien dormi, bu son petit café, petit déjeuner même. Et pour attendre la pause, après la sortie. Le patron, lui, il a la responsabilité. L'ouvrier, c'est facile, il n'a qu'à faire ce qu'on lui dit. Le patron, il faut qu'il pense, il ne dort pas, si ça se trouve, inquiété de ses sous en Suisse ou de la cour de la bourse. Et même, sur l'esclavage que je disais tout à l'heure, on pourrait réfléchir. Certes, c'est pas bien l'esclavage. Mais... Mais ça fait voyager. Ça a fait voyager et ça a donné le jazz. Hein. Et puis, mais n'en parlons pas, tout le monde ne serait pas forcément d'accord sur ces points-là. Et, ou alors les galères, on dit les galères, oui, bon, mais au moins ils étaient au bon air. Ouais, bon. Association. Et puis, j'ai dit, un chef, ça, j'ai oublié de le dire, c'était intelligent, mais ce que j'ai oublié. Un chef. Ben oui, un chef, c'est la tête. Et les autres, c'est les jambes. Ben il faut bien. Ils ont qu'à marcher, les jambes. C'est tout. Et le chef, il pense. Ouais. Bon, association saucisson. Association saucisson. Un saucisson est un assemblage de tranches. Une association peut être aussi tranchée en toutes ses composantes avec néanmoins une tête et une queue. Comme le cochon et une ficelle. La ficelle de l'association, c'est la discipline. La discipline, c'est le dévouement, c'est le règlement, c'est l'organisation. Association, sillon, fécond, compassion, compétition, il en faut un petit peu dans le dévouement. Collaboration, j'aime bien le mot collaboration. D'ailleurs, mon grand-père me disait qu'il associait la Francisque et la nation. Ils ne sont pas tous mauvais, les Allemands, il disait. Travail, fourmi, patrie. Association, dévotion. Voilà ce qu'il faut à la France. À l'aube fraîche du matin, ô Jésus, répands ma lumière, sois mon compagnon de chemin. L'immense foule des hommes courbés sur le travail, de la mine à l'atelier, de la charrue au moulin, a forgé ce pain, ô Seigneur, qu'il est beau, ce pain. Les curés, on dira les curés, mais c'est une association. Et le pape, et les sous-papes, il en faut pour faire un moteur, pour faire marcher le moteur. Dieu à 5 vitesses et surmultiplié. Bon, me disait, je suis assez dévoué à dire des conneries à la place des autres. Bon, et c'est toujours le même. Ouais. Bravo! D'abord, je dis pas bravo. Pour dire des conneries comme ça et les avoir pensées, pour être un peu. Oui. Moi je dis bravo parce que d'habitude on a toujours la chronique de Filmo, mais là on a eu vraiment la chronique de Vincent et c'est pas drôle, Jean-Claude. Non mais tu te crois au chômage là, il t'a dit hein, c'est Arbeiten, Mietfrei, machin. Non, je suis assommé par la critique de Vincent. Ah oui, non mais faut que tu le refasses. Ah ouais, la chronique de Vincent. C'est magnifique. Ah ouais. Et un jour de travail, hein. Extraordinaire. Et avec une souris qui ne marchait pas, hein. Ah ouais. T'avais qu'à prendre le chat. Tu l'as mis en cage. T'avais qu'à mettre du fromage. Ouais, donc voilà. Ah, je vais vous faire une petite chanson éclair. Vous savez, je fais des chansons. Ah ouais. Ah oui, celle-là. Ah, j'adore. C'est super. Les chansons éclair, j'adore ça. C'est par rapport à un truc que tu as dit tout à l'heure. Ah oui. Avant que ça commence. Ah, d'accord. J'ai dit, tiens, il y a fait une chanson éclair. La perfection pour une fois, passez tout près de moi. Ça va les chevilles? Une autre petite. Sans plus. Je vous fais les deux plus petites alors. C'est parce que l'eau sans cesse le poursuit que le robinet fuit. Ah bon, ça, la chanson que je vais vous faire, là, c'est une chanson. Je suivais un atelier d'écriture de chansons, et il y avait dans cet atelier un jeune qui était tout guiré, tout joyeux, tout content. Puis en discutant avec lui, il m'a dit qu'il était content parce que sa compagne attendait un enfant, etc. Voilà. Et du coup, j'ai fait une chanson pour ce bébé, cet enfant à venir. Ça s'appelle « À toi qui viens ». Les marchands de contraceptifs étant en règle ce jour-là, t'as pris le parti offensif de sortir de ton au-delà. Pour t'installer dans la douceur de ce lit où tu fais tes gammes, et peu à peu dans la lenteur devenir monsieur ou madame. Faut que je te dise avant que t'arrives deux ou trois choses sur ton futur, avant que tu viennes sur notre rive, avant que tu te lances dans l'aventure. Sache déjà que le binôme en charge de tes prochains jours est sous l'emprise maximum de ce qu'ici on nomme amour. Tu vas pouvoir tout à loisir en boire à gorge déployée, te faire des festins de plaisir avant de te mettre à roupiller. Sous l'œil un peu déconcerté des deux complices du forfait, mesurant toute la portée de l'amour quand il est bien fait. Je vais pas décrire par le menu tout ce qu'est ta future fonction. L'explorateur de l'inconnu va t'apporter comme émotion ce cortège de sentiments fait de soleil et de nuages, sera la source, le ferment de ton prochain voyage. Quand tu vas tomber badaboum de notre côté petit bout d'homme, tu vas ajouter dans le nid de l'humanité des inédits. Alors prends soin de les aimer, et sur la route qui t'attend tu pourras cheminer longtemps, longtemps, longtemps, longtemps, longtemps, longtemps, longtemps. Bravo! Merci Jean-Claude et merci à vous tous pour votre participation, votre présence et toutes les choses intéressantes qui enrichissent notre point de vue à tous. Merci à tous. Merci. Merci Catherine. Ouais, voilà. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre écoute. En espérant que vous ayez passé une bonne soirée en notre compagnie, nous vous disons à bientôt pour un autre sujet passionnant dans Associativement Vôtre qui nous fait réfléchir sur cette société. À bientôt, en compagnie de notre pianiste Auriel avec le Jungle. Merci.